5-7. Bonjour Marion Guilbeault. Bonjour Mathilde. La chanteuse belge est en playlist sur Inter avec un titre produit par Justice. Mais commençons en réécoutant une autre collaboration marquante. Souvenez, on était tous scotchés devant notre télé à admirer Angèle au Stade de France, en très bonne compagnie avec Kavinsky et le groupe Phoenix pour la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024. La championne de la pop avait performé cette nouvelle version électrisante de Night Call, titre emblématique de la BO du film Drive. Une collaboration remarquée dans la lignée de celle qu'elle avait eue avec la chanteuse londonienne Dua Lipa sur Fever, devenu un hit planétaire. Angèle, de retour donc, et qui semble avoir pris goût au savoir-faire de la French Touch. Plus de 4 ans après son dernier album 95, la fée clochette de la pop commençait à se faire désirer. Et alors qu'on l'imaginait aux États-Unis enregistrée avec la crème des producteurs anglo-saxons, eh bien c'est avec Xavier Deronet et Gaspard Auger, le duo Justice, les rois de la house filtrée et hédoniste, qu'elle a trouvé la formule magique. Et cette formule magique, c'est celle d'un banger sexy avec une Angèle en robe rouge écarlate, une ode électropop au désir, capable de faire onduler les stades et danser dans les rues, comme dans le clip qui accompagne What You Want, un clip qui a été tourné la nuit cet hiver à Marseille à l'iPhone avec le collectif La Horde. Tout le monde s'y embrasse selon son cœur. Les refrains sont en anglais, les couplets en français. C'est vraiment comme et ce que tu veux avec Angèle. Angèle avec Justice pour patienter jusqu'à son prochain album. Pas de date prévue pour le moment. C'était la chronique dans la playlist de Marion Guilbeault. Il est 5h41, direction le sud du Liban pour le grand reportage. Un village chrétien vient d'être entièrement évacué par les casques bleus de l'ONU. Alma El Shab, les derniers habitants s'étaient confinés dans l'église depuis plus d'une semaine pour échapper aux bombardements israéliens. Et pour tous, ce départ a été un crève-cœur, Étienne Monin. Quand il gare sa Hyundai blanche à Beyrouth, Shadi Sadeh se passe les deux mains sur les yeux. C'est le maire du village, il a l'air épuisé, il commence son exil intérieur. On est parti les larmes aux yeux, on n'est pas des déplacés, on nous a déplacés. Le convoi est parti vers 9h du matin sur une route déserte, il y avait une cinquantaine de voitures, encadrées par des blindés blancs des Nations Unies. Avec ses tatouages religieux sur les avant-bras, le maire dit que les villageois ont embarqué l'évangile et pas grand-chose de plus. Ce qu'on a pris de l'église, c'est notre foi. On n'a rien pris de nos maisons. Quand tu perds ta dignité et ton honneur, tout le reste devient insignifiant. Quelques minutes plus tard, le maire passe le porche de l'église Saint-Antoine. On voit des familles du village. À peine arrivées, plusieurs d'entre elles suivent une messe d'accompagnement pour un habitant tué il y a 3 jours par un tir de drone. Sami, c'est un civil. Nader Ed a quitté le village ce matin. Il n'a aucune arme. Il ne se sert de rien. Il est avec sa maison, sa famille. Il aime le village d'Al-Mashab. Et il est mort à Al-Mashab parce qu'il aime le village. Il n'a rien fait de mal, Sami. Il n'a rien fait de mal. Il était en train de s'occuper de son potager. Il était en train d'arroser. Quand il est mort, il avait encore le tuyau entre les mains. Alma El Shab est planté contre la frontière israélienne. Il est entouré de villages chiites qui ont été désertés. Depuis une semaine, l'ambiance est irrespirable, dit Joseph. Des tirs de balles, des drones au-dessus de nos têtes. J'avais trop peur pour ma fille. Elle était seule. C'était une nuit terrifiante. C'était vraiment effrayant. Pour tenter de limiter les risques, les habitants se sont calfeutrés dans le sous-sol de l'église. Il y avait au moins 9 enfants et de quoi tenir sur la durée, raconte Nader Hay. On avait tous des matelas, des couvertures, des oreillers, on avait tout. Les forces italiennes de l'ONU venaient nous voir, ils nous ont amené du fromage, ils nous ont amené de la nourriture, du pain, de l'eau et tout ce dont nous avions besoin pour tenir. Mais samedi, un tir est tombé à côté de la camionnette de la police. Dimanche, Sami, le vieil homme de 70 ans, est mort devant son potager. Les habitants ont pris cela pour un avertissement. Lundi, l'armée libanaise leur a demandé de quitter les lieux. Eli Bouhari appartient à la communauté. On avait eu des assurances qu'on était en sécurité si on restait ensemble, en groupe, sans bouger. Mais là, ni l'église, ni l'armée libanaise, ni l'ONU, personne ne nous a donné de garantie ou de promesse. Donc là, c'est soit votre vie, soit votre maison. Je ne veux perdre ni l'un ni l'autre, mais je dois perdre quelque chose. Évidemment, je ne vais pas perdre la vie, je vais perdre ma maison. Ces derniers habitants vont être accueillis dans de la famille. Ils avaient déjà évacué leur village en 2024 et investi pour reconstruire certaines maisons. Cette répétition de l'histoire est lourde à porter, explique Josette, maman de 2 enfants, qui sont partis un peu avant le dernier convoi. Je viens de les réinscrire dans une école. Chaque année, une nouvelle. Ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Je les envie. Au début de la guerre, ces habitants ont fermé les routes pour tenter de retenir l'armée libanaise qui est remontée plus au nord. Ils se sont sentis très seuls, mais ils pensaient que leur statut de chrétien pouvait les protéger. 200 maisons environ ont été détruites ou vandalisées ici en 2024 lors de la dernière guerre. Des chrétiens libanais qui fuient leur village à cause de la guerre, c'était un reportage de nos envoyés spéciaux Étienne Monin et Martin Troidec. France Inter. Mathilde Munoz. Il est 5h45, le coup de fil déjà debout nous conduit maintenant dans la plus ancienne confiserie artisanale d'Auvergne, une entreprise qui a presque 150 ans, la Maison Cruzille, où vous travaillez Nicolas Chardon, bonjour. Bonjour. Fondée en 1880 à Clermont-Ferrand, vous y êtes confiseur et responsable d'ordonnancement. Quel type de confiserie faites-vous ? Alors on fabrique des pâtes de fruits et des fruits confits et des marrons glacés. Toute l'année les marrons glacés ? Non, c'est surtout en fin d'année pour les fêtes de fin d'année. Donc, on commence à les fabriquer à partir du mois d'août. Et mais là, c'est fini, vous en vendez plus en mars. Non, exactement. On les vend vraiment surtout pour les fêtes. Alors, commençons par les pâtes de fruits. Vous faites combien de parfums ? On fait quasiment tous les fruits en fait en pâtes de fruits. C'est vraiment varié. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Et ça change en fonction des saisons ? Non, là on travaille vraiment avec des pulpes, donc on peut en fabriquer toute l'année sans souci. Est-ce qu'il y a des fruits plus difficiles à travailler que d'autres ? Ben après, dans les fruits confits, oui, on travaille avec des fruits entiers, où là, ça demande de la patience, du temps et de la précision. C'est-à-dire du temps, il faut combien de temps pour faire un fruit confit ? Par exemple, pour les fruits entiers, il faut compter à peu près 3 semaines après avoir reçu le fruit, en moyenne. Pour un abricot, par exemple ? Oui, exactement. Mais si on confie une petite tranche d'orange, là, c'est moins ? Oui, ça, on peut aussi. Il y a certains fruits qu'on va confier sur une semaine, simplement. Et pourquoi c'est si long à faire ? Pourquoi 3 semaines, par exemple ? Reprenons l'exemple de l'abricot. Qu'est-ce que vous lui faites à l'abricot pendant 3 semaines ? Alors déjà, enfin sans compter le dénoyautage, parce que ça c'est une étape supplémentaire, mais il y a une phase de cuisson, de mise au sucre, et après en fait on travaille avec des sirops. Le principe du confitage en fait c'est de remplacer l'eau de végétation du fruit par du sirop. Mmh. Et donc on monte en briques tout doucement pour et respecter le fruit et qu'il soit savouré après. Et comment vous les choisissez ? Parce que j'imagine qu'il faut les prendre un peu fermes encore, mais néanmoins mûrs, donc ça doit être assez délicat à choisir. Exactement, ben on essaye de travailler avec des fournisseurs qui ont l'habitude de travailler avec nous. Mmh. Et on réceptionne ces fruits. Voilà, il faut qu'ils soient entre deux, il faut qu'ils soient mûrs, mais pas trop non plus pour qu'ils ne s'écrasent pas après la cuisson, au confitage. Est-ce que tous les fruits peuvent se confire ? Ah oui, oui, oui, ah ouais, complètement, oui. Oui, oui, on fait des tranches de kiwi, on fait des mirabelles, des poires, des ananas entiers. Ananas entiers, bah là, il faut plus que 3 semaines, non ? Oui, là, il faut compter un bon mois et demi minimum. Et vous, alors, qu'est-ce que vous faites dans cette entreprise ? Eh bien, moi, ça fait 19 ans que j'y suis. Du coup, je suis passé un peu par toutes les phases de fabrication, que ce soit pâte de fruits au confitage. Et maintenant, je m'occupe essentiellement des plannings de fabrication sur les fruits confits. Et donc, vous arrivez au travail très tôt, j'imagine, puisque vous êtes déjà debout à cette heure-ci. Exactement. En général, j'y arrive pour 5h30 la plupart du temps. Et c'est aussi pour voir ce qui n'a pas été fait la veille, s'il faut que je réintègre, et pour parer aux urgences, on va dire, éventuelles. Et ce rythme vous convient ? Vous êtes du matin ? Oui, oui, oui. Ouh, c'est pas un vrai oui, ça. Si, c'est que parfois les nuits sont un petit peu courtes, mais ça va. Non, j'aime bien attaquer ma journée de bonheur, et puis ça laisse du temps derrière aussi, pour le coup. Mais est-ce que c'est important de commencer si tôt dans une confiserie ? Après tout, ça pourrait être plus tard, non ? On pourrait éventuellement commencer plus tard, mais c'est aussi pour pouvoir justement par aux urgences et servir nos clients mieux, on va dire. Et puis l'été, il y a un intérêt aussi, c'est parce que l'atelier, il est plus frais. Oui, exactement. Il fait très chaud pendant l'été sur certains ateliers. Du coup, ça permet de travailler enfin au frais, si l'on peut dire, mais... On n'est pas trop chaud toute la journée comme ça. Quand on baigne dans cet univers sucré, est-ce qu'on n'est pas dégoûté parfois ? Est-ce que vous mangez encore avec plaisir des pâtes de fruits ? Elles sont tellement bonnes, nos pâtes de fruits, que oui, j'en mange encore. Vous n'allez pas me dire l'inverse, évidemment. Non, mais est-ce que vous ne dites pas des fois, j'en ai marre, je voudrais du chocolat, je ne sais pas, pour changer ? Non, non, après, pour vous dire la vérité, je suis très salé pour le coup, mais je mange encore des pâtes de fruits malgré tout. Et exclusivement, évidemment, les vôtres. Oui, mais après c'est bien de goûter aussi les pâtes de fruits de la concurrence pour voir qu'on est quand même pas si mauvais. La Maison Cruzy, donc c'est votre entreprise, c'est là où vous travaillez, Nicolas Chardon. Elle est installée à Clermont-Ferrand. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Vous étiez notre invité déjà debout. Il est 5h50, connaissez-vous l'expression anglaise « to be in dire straits » ? Ça veut dire être dans la dèche, avoir du mal à joindre les deux bouts. Une situation financière compliquée qui a donné son nom au groupe britannique Dire Straits, dont le tout premier single est justement un hommage aux musiciens de bars et de petits clubs, et c'est resté leur titre phare, Sultans of Swing. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. competition in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mine is strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. Creole. Dire Straits, alors tout début en 1978 avec ce Sultans of Swing. France Inter. Le 5-7. Un habitué ce matin dans la chronique, le polar sonne toujours deux fois. Bonjour Michel Abesca. Bonjour Mathilde. C'est un écrivain que vous appréciez particulièrement, Marc Villard, grand auteur de Nouvelles Noires. Son nouveau recueil s'intitule « Continuons le début ». Oui, avec Marc Villard, on est en effet, Mathilde, dans la cour des grands, auteur depuis le début des années 1980 de quelques 500 nouvelles qui marqueront à coup sûr l'histoire de la littérature noire. Mais la principale raison qui me fait l'apprécier est que ces histoires à chaque fois m'accrochent, qu'il sait en quelques phrases, dès le début, emporter son lecteur, que ces personnages de perdants, de musiciens à la marge, de migrants à la rue, de gamins au destin écrasé, touchent profondément. Chacune de ces histoires est une micro-tragédie, parfois une tragicomédie, qui appelle immédiatement la suivante, car toutes ces histoires sont liées. De quelle manière ? Parce qu'elles font partie d'un ensemble parfaitement cohérent que l'auteur développe livre après livre comme autant de variations sur un même thème. Toutes ces histoires composent au bout du compte le portrait d'un monde d'une grande violence, profondément inégalitaire et sans pitié pour les faibles. Marc Villard a choisi la littérature noire pour son regard social et ce n'est pas un hasard s'il cite souvent, parmi ceux qui l'ont inspiré à ses débuts, Horace McCoy, l'auteur de « On achève bien les chevaux » et de beaucoup d'autres livres. La nouvelle intitulée « Le Normandie » qui ouvre ce nouveau recueil brosse ainsi le portrait d'un bloc d'immeubles en bordure du périphérique parisien à la lisière de Saint-Ouen. Et plus particulièrement d'un de ses habitants, Henri, qui survit à l'aide d'une petite retraite qu'il complète en planquant de la drogue pour les dealers du coin. Une dizaine de pages suffisent pour qu'on s'attache au personnage. L'histoire court très vite, la chute tombe comme un coup près et c'est déchirant. Et ce personnage vous paraît typique de l'univers de Marc Villard ? Ah oui Mathilde, Henri cherche à s'en sortir en vain. La misère entraîne une sorte de fatalité, le combat est perdu d'avance. C'est C'est en ce sens, je crois, qu'il faut interpréter le titre plutôt mystérieux du recueil « Continuons le début ». Villard joue sur le fameux slogan de mai 68 « Ce n'est qu'un début, continuons le combat ». Chez lui, il n'y a pas grand-chose à espérer du futur. Difficile de faire plus pessimiste, hein ? Oui et non, car les nouvelles de Marc Villard sont marquées par la tendresse du regard, son empathie, son humanité, sa manière de ne jamais juger ses personnages, même quand ils font les mauvais choix. Villard sait si bien dire la chaleur de ces petits moments de la vie, une simple rencontre dans un bistrot autour d'un verre ou d'un plateau de charcuterie. Comme dans cette nouvelle intitulée « Papy », peut-être celle qui m'a le plus touchée, l'histoire d'une amitié de quelques heures entre un vieil homme et une gamine de 17 ans qui a fui sa famille d'accueil. Tout finira mal, évidemment. La dernière ligne est au tranchoir et vous laisse le souffle coupé. À chaque fois, s'agissant de cet auteur, vous insistez sur la qualité de l'écriture. Oui, Marc Villard est à mon sens une plume d'exception. Venu de la poésie, il écrit au plus juste, le très vif, le verbe précis, faisant surgir les images et les émotions en quelques mots. Si le propos est d'abord réaliste, hyper réaliste même, tant est grande son attention aux détails, l'écriture lui permet de garder le réel à distance, de le sublimer afin que le lecteur puisse le regarder en face. Et l'humour vient également en contrepoint de la violence de ce qui est raconté. Humour noir et rire jaune, cocktail ravageur, irrésistible, comme dans ce tout début de la nouvelle intitulée « Rodrigo Soler ». Rodrigo Soler arrive au dernier moment à la gare du Nord et saute dans son train, direction Bruxelles midi. Soler est spécialisé dans la résolution définitive des problèmes de ses concitoyens. Il évacue les problèmes en question à l'aide d'un Glock 34, de fabrication autrichienne. Mais Soler n'est pas un tueur de renom. Il récupère les contrats foireux que certains négligent. Aujourd'hui, par exemple, ce contrat a été revendu deux fois avant d'atterrir sur sa table. Un collègue lui indiquera en gare du midi la cible à abattre, puis il doit évacuer le terrain. Travail terminé à 17h15 par le train qui le conduira à Ostende. Si ça foire, pas de plan B. Voilà le quotidien des tueurs au rabais. Avec le contenu de l'enveloppe, Soler pense pouvoir enfin changer le tapis de sa chambre. Il a noté un modèle très chatoyant chez Habitat. Il aimerait bien refaire aussi la peinture de la cuisine, mais c'est ça où avaler des pâtes pendant un mois. La plume de Marc Villard dans cet extrait de son nouveau recueil de nouvelles, Continuons le début, c'est dans la série noire de Gallimard. Michel Abesca dans le 5-7 tous les jeudis pour Le Polar sonne toujours deux fois. Hi, I'm Ryan Gosling. 7h50, Benjamin Duhamel. La star hollywoodienne est l'invitée exceptionnelle de la grande matinale pour nous parler de son nouveau film, Projet Dernière Chance. Je sais bien que vous pensez que je suis la bonne personne pour cette mission. La grande matinale. Avec Ryan Gosling, c'est ce jeudi à 7h50 sur France Inter. C'est fou ça. 5h58. La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane pour des séjours en pleine nature. Par tous les temps. À découvrir sur utopia.com. Une journée de transition, Céline Dacosta. C'est un ciel plus calme qui nous attend selon Météo France pour ce jeudi. Après dissipation de brumes qui seront quand même assez nombreuses le matin du sud-ouest au nord-est, on aura des éclaircies qui vont même gagner du terrain dans l'après-midi. En revanche, on aura également le retour des nuages de plus en plus nombreux, de plus en plus épais entre la Bretagne et les Hauts-de-France dans l'après-midi, accompagnés de bonnes rafales de vent et de premières gouttes sur le Finistère en fin de journée, prémices de la perturbation pluvieuse qui nous attendra pour vendredi. Les températures bien fraîches le matin et en baisse 1 à 7 degrés avec quelques gelées sur le nord-est. Et dans l'après-midi, la moyenne sera semblable à celle de ce mercredi, 12 à 16 degrés du nord au sud. Céline Dacosta, les autoroutes allemandes, terrain de jeu des influenceurs qui se filment à plus de 300 km/h. C'est dans la revue de presse dans un quart d'heure. France Inter, il est 6h. Le journal Kevin Dufraîche, bonjour. Bonjour, le baril ne répond pas. Plus de 100 dollars sur le marché ce matin, alors même que l'Agence internationale de l'énergie débloque les réserves stratégiques de pétrole pour éviter la crise en pleine guerre au Moyen-Orient. 7 morts au Liban cette nuit quand l'Iran multiplie les cibles dans le golfe Persique. Nous serons à Dubaï. Dans ce journal aussi, l'extrême droite de retour au pouvoir au Chili. Le nouveau président Caste investit. Les municipales, certains font campagne pour les élections en elles-mêmes, incité à aller voter. Et en foot, le PSG a levé les doutes. Victoire 5-2 hier soir contre Chelsea en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. France Inter. Donald Trump a beau répéter que l'Iran est proche de la défaite, la dictature ne désarme pas. Au contraire, les gardiens de la révolution se disent prêts à une guerre d'usure avec Israël et les États-Unis, en visant notamment leurs alliés du Golfe. Nouvelle frappe cette nuit contre Bahreïn, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Notre envoyée spéciale Isabelle Labéry est à Dubaï. 2h du matin, deux explosions sourdes près de l'aéroport, puis un premier drone Shahed qui passe à très basse altitude, juste au-dessus de nos têtes. Il est suivi, quelques secondes plus tard, par un avion de chasse. La scène se répète 4 fois. Ce serveur a tout suivi, sans panique. Il s'est habitué à voir la guerre dans le ciel de Dubaï. Un appartement prend feu sans faire de victimes. La télévision d'État iranienne assure qu'il abritait des militaires américains. Ailleurs dans le Golfe, un champ pétrolier saoudien est pris pour cible. Sur la côte sud d'Oman, plusieurs réservoirs de carburant s'embrasent après une frappe. Les fumées sont visibles à plusieurs kilomètres. Téhéran menace de continuer à s'en prendre aux ports de la région si les siens sont attaqués et désigne ses prochaines cibles, les centres économiques et les banques. Par mesure de précaution, plusieurs établissements financiers ont évacué leur personnel de leur bureau de Dubaï et HSBC ferme ses agences au Qatar. Isabelle Labéry et Gilles Gallinaro à Dubaï pour France Inter. Israël, de son côté, continue à bombarder le Liban, d'où opère le Hezbollah, allié de l'Iran. Des frappes au cœur de Beyrouth ont fait au moins 7 morts cette nuit. Hier soir, Emmanuel Macron a appelé le Hezbollah à mettre fin à ses attaques et Israël a renoncé à toute offensive terrestre au Liban. Concernant le pétrole, le déblocage annoncé hier de plus de 400 millions de barils issus des réserves stratégiques mondiales n'a pas calmé le marché. Le prix du baril de pétrole brut est repassé au-dessus de 100 dollars ce matin. C'était 60 au début de l'année. En France, jusqu'à quand les camionneurs vont-ils pouvoir faire le plein? Je pose la question à 6h20 à la représentante de la Fédération nationale des transports routiers, Florence Berthelot. L'actualité à l'étranger ce matin, c'est aussi le Chili, où 36 ans après s'être débarrassé de la dictature militaire d'Augusto Pinochet, l'un de ses admirateurs est investi président de la République. José Antonio Kast, officiellement entré en fonction cette nuit, le Chili passe de la gauche à l'extrême droite. Le nouveau chef de l'État a signé ses premiers décrets, notamment pour lutter contre l'immigration illégale. Il dit vouloir construire des barrières physiques à la frontière avec la Bolivie. De quoi ravir ses soutiens, réunis hier soir à Santiago, la capitale, Neila Dorwane. Sur la place de la Constitution, des centaines de Chiliens applaudissent leur nouveau président. David, un militant d'extrême droite, tient dans ses mains la photo officielle de José Antonio Kast. Pendant 4 ans, on a eu un président qui n'a servi à rien. Mais le changement est arrivé, le pays va avancer. Kast, il représente la liberté, dit Vanessa. Il va nous donner plus de sécurité. On veut pouvoir sortir tranquille de chez nous. Carmen, elle, attend de Kast qu'il mette en place sa politique migratoire. Il a promis d'expulser les Vénézuéliens. Le pays n'est plus ce qu'il était car les étrangers en ont pris possession. Et Raoul, ce qu'il réjouit, c'est la foi de son nouveau président. J'aime José Antonio Kast car sa vision est centrée sur Dieu. C'est aussi un père de famille avec des principes. Il défend fermement ce en quoi il croit et c'est le principal. Et après 20 minutes de discours, Kast a conclu. Que Dieu nous donne de la sagesse pour gouverner avec justice, de la force pour agir et de l'humilité pour servir notre peuple. Depuis 1990 et le retour de la démocratie dans le pays, c'est la première fois que l'extrême droite arrive au pouvoir. À Santiago, Naila Dorwane, France Inter. Il est 6h05. Deux hommes mis en examen après l'évasion à la prison de Villepinte ce week-end. Soupçonnés d'avoir aidé Ilias Kerbouche à se faire la malle en se présentant comme de faux policiers, ils l'ont extrait de sa cellule, prétextant une garde à vue. Celui qui est surnommé Ganito était détenu pour avoir organisé les cambriolages violents de plusieurs personnalités. Emmanuel Leclerc, Ilias Kerbouche, 20 ans, est toujours en cavale après n'avoir connu que la prison ou presque depuis 6 ans. Depuis l'âge de 14 ans, Ganito n'a passé au total qu'un mois et demi en liberté. Là, ça fait donc 6 jours de plus depuis son évasion rocambolesque. Mais s'il a réussi à s'évader par la ruse le week-end dernier, un délégué syndical de la pénitentiaire remarque que c'est bien la première fois qu'Ilias Kerbouche n'utilise pas la violence physique. Lui qui est mis en cause à plusieurs reprises pour avoir commandité des homejacking de VIP comme celui de l'ancien champion d'Europe italien du PSG, Gianluigi Donnarumma. Ganito est un double symbole, poursuit cette source, celui des prisons passoires, où il est plus facile de se procurer un smartphone pour diriger ses exactions que d'aller en acheter un en boutique. Et celui de cette jeune génération de malfaiteurs qui joue les entrepreneurs du crime en recrutant ses lieutenants par petite annonce sur le dark web. À chaque fois, Ganito s'est fait prendre, il laisse des traces, beaucoup de traces, ce qui fait dire à une source policière parisienne qu'avec l'arrestation de deux de ses complices dimanche dernier, et avec désormais la Brigade nationale de recherche des fugitifs à ses trousses, eh bien que Ganito est en liberté très provisoire. Emmanuel Leclerc, service police-justice de France Inter. Un mort hier à Paris dans l'incendie d'un immeuble du 9e arrondissement.